Histoire absolument apocryphe par Adrien Belli. Alors que le roi Louis XI résidait en son château de Péronne, il avait confié la sécurité de sa personne auguste à une forte armée, composée de gens de toutes armes français et d'archers écossais. C'était, pour des soldats habitués aux rudes combats de la guerre, une mission qui leur laissait beaucoup de loisirs. Aussi vivaient-ils dans une grande oisiveté. Or, comme chacun sait, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que les gardes du roi Louis XI en avaient acquis la collection complète. Mais je n'étonnerai personne en disant qu'ils en possédaient une agréable sélection. Le jeu, notamment, faisait leur délice. Ils jouaient aux dés, aux osselets, à croix ou aux piles, et avec une combinaison de cartes qu'ils avaient apprises dans leur rencontre avec les lansquenets. Tout leur argent passait ainsi de main en main, sans qu'il en résultât autre chose que des disputes. Si, pourtant, en résulta-t-il autre chose. Rien n'est contagieux comme le mauvais exemple. Les soldats ne tardèrent pas à enseigner leur jeu aux gens de la ville et des environs. Et ceux-ci, bientôt, les pratiquèrent avec furie. Ils jouaient entre eux chaque fois que l'occasion s'en présentait. Et ils se réunissaient même pour jouer dans des locaux qu'ils avaient spécialement aménagés pour cela. Il s'ensuivit dans toute la région de grands troubles et des ruines funestes. Le roi Louis XI, qui protégeait la vertu chez les autres plus qu'il ne la professait lui-même, s'émut d'une telle situation qui offensait la morale publique, et il fit part à son compère Olivier des réflexions qu'elle lui suggérait. « Ces gens sont fous, Olivier, disait-il. Au lieu de travailler pour gagner de l'argent ou pour faire fructifier l'argent qu'ils auraient gagné, ils risquent leurs dernières ressources dans des parties de hasard, et cela sans aucun profit. Car tel qui gagne aujourd'hui, demain perdra, et c'est toujours la même somme qui constitue le fonds commun. » Voilà certains effets de la sottise humaine, sire, répondit Olivier. La sottise doit être châtiée, reprit le roi. J'ai bien envie de publier que tous ceux qui seront pris en train de jouer seront pendus. Tous ceux qui n'auront point été pendus se cacheront pour jouer, sire. Aucune peine au monde ne les fera renoncer à leur passion. Quand le jeu s'est implanté dans les moelles de l'homme, rien ne saurait l'en extirper. Alors, dit le roi, je veux les faire pendre tous. Assurément, ils ne joueront plus dans ce cas, remarqua Olivier. Et ce sera peut-être dommage. Que veux-tu dire, mon compère ? Demanda Louis XI. Je devine chez toi quelques pensées cachées. Je veux dire, sire, que le jeu étant un mal que personne ne peut faire disparaître, mieux vaut alors en tirer parti. Et comment cela ? En prélevant un impôt sur les enjeux et sur les gains. Cet impôt nous amènerait beaucoup d'argent, qui permettrait à votre majesté d'entreprendre et d'exécuter toutes sortes de travaux utiles. Voilà qui est supérieurement raisonné, s'écria le roi. Et tu es bien le plus madré compère qu'un monarque puisse avoir à son service. Ton impôt est admirable, et je le veux établir dès aujourd'hui. Ainsi fut fait. Les habitants de Péronne et des environs trouvèrent la rançon royalement amère. Mais comme il leur avait été spécifié que ceux qui ne la paieraient pas seraient pendus haut et court, ils préférèrent continuer à jouer moyennant un sacrifice, plutôt que de faire connaissance avec le gibet. Et l'impôt fut exactement versé. Quand la première collecte en fut faite, les notables de la ville vinrent la porter ès-main du roi Louis XI. Et le plus âgé d'entre eux s'adressa à lui en ces termes « Voici notre contribution, sire. Elle se monte à la somme de 1200 000 livres en monnaie d'or. Votre majesté a bien voulu nous faire savoir qu'elle l'emploierait pour notre commodité ou notre avantage. Or, sire, nous avons grand besoin d'une église pour le faubourg des Tanneurs. Et s'il plaisait à votre majesté de la faire construire avec nos deniers, nous lui en serions profondément et respectueusement reconnaissants. Je n'ai qu'une parole, dit le roi, l'église sera construite. Les notables s'en retournèrent fort satisfaits. Mais le visage du roi Louis XI ne reflétait aucune satisfaction. Et il dit à son compère Olivier avec une grande colère dans la voix « Le diable les emporte, eux et leur église. Je ne m'attendais pas, sire, à voir mêler le diable en cette affaire. » repartit Olivier. « C'est que tu n'es pas un profond politique, Olivier. Tu es un serviteur zélé et quelquefois adroit, mais tu n'es pas un profond politique. J'avais promis à toute cette canaille d'employer leur argent à des œuvres utiles. » Mais promettre et tenir sont deux. Et je ne considérais pas d'œuvre plus utile que de m'approprier leur tribut. J'ai bien envie de ne pas faire construire cette maudite église. Votre parole est engagée, sire. Nous la dégagerons, si telle est notre volonté. Il s'agit d'une église, sire, et la colère céleste pourrait frapper votre majesté. Tu as raison. Alors que le diable t'emporte, toi et ton impôt. Grand merci, sire. Mais il y aurait peut-être mieux à imaginer que cela. Et quoi donc? Votre majesté n'a fixé aucun délai pour la construction de l'église, aucun. Ah donc, que votre majesté place les 1 200 000 livres en loyer sûr, qu'elle en affecte chaque année les arrérages à l'édification du saint monument, et quand l'église sera terminée, votre majesté sera légitime propriétaire de la somme tout entière. Vive Dieu ! Clama le roi, je t'en réserverai une partie. Un grand merci, sire, mais une telle promesse est trop redoutable. Je courrai grand danger d'être pendu d'ici là. L'église fut construite, et c'est ainsi que s'inaugura une méthode financière que l'on suit encore aujourd'hui. C'était une histoire absolument apocryphe par Adrien Belli.